Olivier de Cédille, faites asseoir la petite Cédille sur la balançoire. Le barbier de Cédille, vieux garçon, à la petite Cédille donne des leçons. Le barbier de Cédille, vieux garçon, kidnappe la fille contre une rançon. Mais il perd la Cédille, la rançon. Qui donc sans Cédille, soudain la rencontre. Quand le barbier de Cédille, il s'aperçoit qu'il la perd. Eh bien, la petite Cédille, il la perd quoi? Il la perd quoi? Le barbier de Cédille est maçon. Il a mis une Cédille un jour à Mâcon. Il se met la Cédille, se forca, de paresse brille. Soudain, comme forçat, le barbier de Cédille, joli maçon, fait des marches en vrille. En colimaçon, le barbier de Cédille, sans façon, montre surtout qu'il brille dans la malfaçon. Quand le barbier de Cédille, il s'aperçoit qu'il la perd. Quoi? Eh bien, la petite Cédille, il la perd quoi? Il la paie. Quoi? Le barbier de Cédille mène à Caen une vie tranquille, n'est plus menaçant. Le barbier de Cédille est fort quand il oublie la Cédille, même en s'efforçant. Quand le barbier de Cédille, il s'aperçoit qu'il la paie. Quoi? Eh bien, la petite Cédille, il la perd quoi? Il la perd. Le barbier de Cédille, en traquant la petite Cédille, redevient traçant. Le barbier de Cédille perd quand la petite Cédille pousse un cri perçant. Quand le barbier de Cédille, il s'aperçoit qu'il la perd quoi? Eh bien, la petite Cédille, il la perd quoi? Il la perd quoi? Le barbier de Cédille n'y croit qu'avec la Cédille il se réunit souvent. Le barbier de Cédille, le barbier de Cédille.